Bonjour Serena. Bonjour Paula. Est-ce que tu préfères les taxis ou les limousines? Oh, taxi, je crois. Taxi, ouais, t'as été une prolo toi, ça se voit. Appuyez au need, the need for speed. I want the truth. First, take a big step back and literally fuck your own face. All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. Anchorman does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You. Last chance to walk away. Bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Aujourd'hui, épisode numéro 25, où nous allons vous parler de Collateral, un film sorti en 2004 de Michael Mann, où Tom Cruise joue le rôle de Vincent. Mm-hmm. C'est simple, et rapide et précis. Facile. Là, épisode où on va vite. On va vite. Et on va loin, bien sûr. Alors, Serena, est-ce que tu avais déjà vu Collateral dans l'Italie, dans le fin fond de l'Italie, par hasard? Je crois pas. Ah mince, il n'était pas arrivé là-bas? Je pense qu'il est arrivé, parce que je me rappelais de certains trucs, mais je ne suis pas sûre de l'avoir vu au cinéma. Ah ouais. Mais j'avais très envie de le voir. Ah, tu l'avais jamais vu? Je ne me rappelais pas en tout. Tu vois, je me rappelle de certaines choses, donc je pense que oui. Je ne sais pas. Doute. Tu as et toi? Moi, je l'avais déjà vu au cinéma. J'avais même acheté le DVD, figure-toi. Oh, oui, c'est ça choupi. Faisait partie du truc. Je me disais, ouais, les vrais cinéphiles, ils ont un DVD de Collateral. Donc, j'avais acheté le DVD de Collateral. Donc, je l'avais déjà vu. Plusieurs fois, donc. Oui, tout à fait. Trop bien. Et du coup... T'avais envie de le revoir ou pas? Eh oui, parce que ça fait longtemps que je ne l'avais pas revu. Du coup, je me demandais si ça avait bien survécu. Ça avait bien survécu à l'épreuve du temps. Ah, intéressant. Mais le suite de ce podcast nous le dira. Mais d'abord, c'est le petit résumé, parce que c'est facile. Hein. Oui. Voiture, bim bim, boum boum, et au revoir quoi. Merci, au revoir. Allez, résumé, c'est parti. Alors, on commence avec Tom Cruise avec des cheveux blancs, des lunettes et un complet gris. Déjà, c'est louche. Ça, c'est pas banal. Qui marche au ralenti. Il est dans une foule floue et il voit un mec, il se cogne, il se tape l'épaule. Les mecs, ils laissent tomber une valise. Tom Cruise aussi échange des valises. Et le mec, c'est Jason Statham. Ouais, qui fait juste cette apparition. C'est un peu dommage. Échange des valises, bisous, au revoir. 4. Ils font des bisous. Non, mais... ah non, pardon. C'est... pour dire, c'est oui, fait. Oui, pardon. 4. Jamie Foxx, il est dans un hangar à taxi, il nettoie son taxi, et on comprend qu'il travaille très bien. Il est très précautionneux. Voilà, très propre, très précautionneux. Le tableau de bord, il remet sa petite photo, tout ça, tout bien. Taxi, il prend le taxi, il commence à tourner, il roule, il mange des taxis, on est à Los Angeles. Oui. Image de Los Angeles. Un couple rentre dans son taxi, il se dispute, il écoute tout, on comprend qu'il écoute tout. Il regarde dans son... comment on appelle les trucs qui... J'essaie les mots, mais je ne trouve pas. Les trucs qu'il ouvre avec sa carte postale. Oui, le pare-soleil. Les pare-soleil. Il ouvre son pare-soleil et il a une carte postale d'une île. Il regarde, il referme. Ok. Bizarre. Oh. Les couples descendent, il y a une nana au téléphone habillée bien un comment peu... comment t'essaies de mettre du suspense. C'est une carte postale, ça. Oui, va. Il y a une nana habillée un peu en mode tailleur avec attaché case, et qui parle au téléphone très occupée, businesswoman on dirait, mais en tout cas une femme importante. Et elle rentre dans les taxis et elle parle au téléphone. Cette femme, c'est Jada Pinkett Smith. Yes. Donc, Jamie Foxx, on comprend qu'il s'appelle Max Durocher. Parce qu'on le lit dans sa licence taxi. Et la femme monte à bord, elle téléphone, elle donne l'adresse, elle demande d'aller à cette adresse-là et elle le corrige sur la route qu'il a pris. Oula! Oula! Erreur! Il dit taxi, ah non, mais moi je connais une route, c'est plus vite, tu seras là-bas, hein. 8 minutes. Ah d'accord, ok. On parie quoi? La course gratuite. Bon, petit détail pour dire qu'il commence à parler. Il arrive à destination dans les temps qu'il avait dit, donc il travaille très bien. Si vous cherchez un taxi à Los Angeles, Max le cher. Elle se présente, elle s'appelle Annie. Et en gros, il commence à tchatcher sur les travails, qu'est-ce que vous faites. Ah, vous êtes un bon taximan, vous aimez ça. Non, mais moi, mon rêve, c'est d'ouvrir une boîte de limousines. Island, Limo, quelque chose. Des luxes, machin, je travaille dur pour mettre de l'argent de côté. Elle dit qu'elle est procureur. Assistante du procureur ou un truc comme ça. Procureur, je crois. Ouais, procureur. Oui. Je crois. Elle a un grand cas les lendemains et qu'elle bosse dur. Bon. Il lui dit, ah, mais tu devrais prendre des vacances. Regardez cette carte postale. Moi, je prends des vacances tout le temps. Je regarde, c'est les Maldives. Je regarde et je pars ailleurs. Je vous la donne. Elle part. Elle dit, merci beaucoup, Max. C'était super. Et elle revient, elle lui donne son numéro. Ouh! J'aime bien quand on fait les commentaires. Elle rentre dans les bâtiments où elle allait bosser. Et qui sort de ces bâtiments? Tom Cruise, cheveux blancs. Cheveux blancs. Papy Tom Cruise. Qui rentre dans les taxis de Max. Pas bonjour, pas mère. Super. Pas super cool. Il a sa valise et il regarde ses documents et commence à dire il faut que j'aille là-bas. En combien de temps on va arriver? Et il va dire 7 minutes. Ah, 7 minutes, c'est bien, précis. Il dit oui, c'est comme ça. Ils arrivent 7 minutes plus tard. J'aime la précision. Et il parle dans les taxis, mais tu vois un peu Tom Cruise, il le domine. Oui. Il le domine grave. C'est une belle conversation d'ailleurs. Et en gros, il lui dit, ah, c'est les taxis les plus propres de Los Angeles et tout ça. Vous êtes arrivé en 7 minutes. Si vous voulez, je vous réserve pour la nuit. Je dois faire 5 arrêts dans la nuit pour rencontrer des agents immobiliers. Et si vous restez avec moi, je vous paye beaucoup. Oui. Plus que toute la semaine, je ne sais pas. Oui. 600 dollars. Il dit, ah, je ne sais pas. D'accord. OK. OK. Attendez-moi derrière ces bâtiments. Je reviens dans très peu de temps. Donc, il se garde derrière. Max, Jamie Foxx, déballe son sandwich, mange son sandwich, regarde des pubs des limos et POM! Un homme mort tombe sur son taxi et il défonce les pare-brises. Oh mon Dieu, un homme mort, ah, un cadavre, ah, il est paniqué. Tom Cruise revient et fait « Ah, merde !» C'est vous l'avez tué ?»« Non, je n'ai pas tué, j'ai juste tiré sur le pistolet. » J'ai tiré, ce qui se passe après n'est pas de mon ressort. Je dis, monsieur l'agent. C'est comme ça. Donc, bon. Ça met l'ambiance quand même. En gros, oui, il comprend que c'est un tueur. Un tueur, tout bêtement. Et que du coup, il le menace. Tom Cruise menace Jamie Foxx en disant et mettez cet homme dans les coffres. Vous devez m'aider, sinon je vous bute. Donc, il va le faire. Jamie Foxx, il fait. Il dit, non, mais s'il vous plaît, là, c'est bon, laissez-moi. Je suis juste... je suis personne. Vous pouvez me laisser, vous prenez les taxis, vous faites ce que vous voulez. Non, tu restes avec moi. Parce que tu conduis bien. Parce que tu conduis bien. On a besoin d'un bon pilote. Et en plus, tu vois, tous ces gens au Rwanda qui sont en train de mourir, tu fais rien. Pourquoi cet homme? Qu'est-ce qui t'importe que cet homme soit mort ou pas. Du coup, ils essaient de le convaincre un peu psychologiquement. D'ailleurs, c'est insignifiant ce qui se passe, qu'il n'a pas à s'en occuper. Oui, voilà, et que c'est juste un homme de plus qui est mort. Voilà. Il y a plein de gens qui meurent à Los Angeles tous les jours. D'ailleurs, histoire intéressante qu'il dit avant, il déteste Los Angeles parce qu'il y avait un homme mort dans un métro qu'il a fait les allers-retours sans que personne ne se rende compte. C'est vrai, c'est important pour le Très site. Intéressant. Donc, et Jamie Foxx, il dit, mais moi, je suis juste une personne collatérale. Oh! Mais ce serait pas le titre du film. Ouais. Donc, je vous laisse, vous me laissez. Ouais. Non, tu viens avec c'est moi. Parti. Deuxième tour. Deuxième personne. Il part du taxi, Tom Cruise, et ligote Jamie Foxx au volant. Comme ça, il peut pas se barrer. Il se barre pas. Et là, il reçoit un appel du boss. Oui, du central des taxis. Ah non, d'abord, ils se font arrêter par la police. Je crois. Oui, ils se font arrêter par la police. Oui, c'est ça. Pardon. En allant vers la deuxième cible, ils se font arrêter par la police parce qu'il a les pare-brises cassées. Donc la police, il les arrête. Tom Cruise, il est prêt à buter les policiers. Mais les policiers, ils sont appelés pour aller ailleurs. Sauver les policiers. Donc Jamie Foxx, il a un peu peur parce qu'il comprend que les mecs, ils peuvent buter tout le monde. Ça peut partir à tout moment. Voilà. Au même temps, un croisement, il y a un mec, Mark Ruffalo. Oui. Les comédiens, Mark Ruffalo. Oui, Mark Ruffalo. J'étais là, je me dis, ah ouais, j'avais pas... Ouais, c'est ça. Oui, oui. Qui va à l'appartement où on vient de débuter les premiers hommes. C'est un peu dans un montage comme ça. Oui. Et pour parler, il dit, Ramon, tu es là? Il n'est pas là. Il est mort. Il regarde, la fenêtre est brisée. Il regarde en bas, mais il n'y a pas de cadavre. Il y a des traces de bris de verre, mais il n'y a plus le cadavre, il n'y a plus rien. Il appelle la police en disant, c'est moi, c'est le détective Fanning qui s'occupe des narcotiques. Ouais. Narcotics. Et il appelle à le supérieur. La police arrive et il regarde la scène du crime. Le chef, il dit, mais non, mais il n'y a pas de cadavre, c'est pas grave. Et Mark Ruffalo dit, si, c'est sûr, c'est tombé là, il y a du sang, il y a de la vitre. Il y avait une voiture. Ça devait être un taxi. Je crois qu'il comprend à ce moment-là que ça devait être un taxi, puisqu'il était garé en plein milieu, oui. Et c'est parti vite et tout. Et ça me rappelle une histoire d'un homme, d'un détective qui investiguait sur un homme, sur un taxi, un taxi-man. Un chauffeur de taxi. Un chauffeur, merci. Waouh, c'était une tension énorme. J'avance un peu, mais un chauffeur des taxis qui avait, il y a quelques temps, qui avait buté plusieurs personnes dans une nuit, trois personnes dans la nuit, et s'est tué après. Et les détectives qui investiguaient sur ces cas-là, il a toujours suspecté qu'il y avait une autre personne dans à bord. Dans le taxi. Mystère, donc il s'en doute. Donc, on revient avec Tom Cruise et Jamie Foxx qui vont à la deuxième arrêt. Jamie Foxx est ligoté au volant. Attaché au volant. Les boss de Jamie Foxx l'appellent et lui disent Mais qu'est-ce que tu fous? La police a dit que tu as les pare-brises cassés, tu vas le payer de ton salaire et tout. Et là, Tom Cruise, qui s'est présenté et qui s'appelle Vincent, dit mais non, ton chef, tu l'envoies chier. Là, il ne faut pas qu'il fasse chier. Il dit non, je peux pas. Donc Tom Cruise prend un peu la relève et il défonce le boss de Jamie Foxx qui s'excuse à la fin. Et Jamie Foxx, il arrive quand même à lui dire tu te le fous dans les culs ou un truc comme ça. Oui. Ton taxi, j'en ai rien à foutre. tu me fous la paix. Oui. Langage fleuri. Donc Tom Cruise va tuer les deuxièmes hommes. On sait qu'il y en a cinq, deuxième. Jamie Foxx demande à l'aide. Il y a deux mecs qui débarquent pour voir qu'est-ce qui se passe. Ils disent, mais tu es ligoté? Ah, très bien, je te vole ton portefeuille. Vincent, Tom Cruise, revient. Poum, poum, poum, poum, poum, poum. Il tue les deux mecs. On les met où? Dans les coffres. Parce qu'on a un peu de place encore. Alors tu dis poum, poum, poum, parce que il tire toujours trois fois. Deux fois au plexus et une fois dans la tête. Comme ça, au moins, il est sûr. T'as trois coups. Bam, bam, bam. Tout à fait. Allez, en Jamie Foxx, il est complètement déboussolé. Il dit, non, mais là, lâche-moi. Là, ça fait beaucoup d'hommes, tu es. Et Tom Cruise, il dit, d'accord, OK. Maintenant, j'ai un peu de temps. On peut aller dans un jazz club. On écoute du jazz. Je t'offre un drink. OK, ils vont au jazz club. Cool. Il regarde un mec qui joue du jazz super bien. Tom Cruise, il dit à la serveuse, oh, il est trop fort. C'est qui? Ah, c'est les propriétaires. Dites-lui qu'on lui offre un verre. Ouais. Il parle avec ces mecs qui racontent une histoire sur Miles Davis et la belle époque du jazz américain. Et Tom Cruise dit, ah, c'est très intéressant cette histoire. Je devrais la raconter à mes amis de Culiacán et Cartagena. Après, voilà. Oh, les mecs, ils deviennent... Livides. Ils comprennent. Et il dit, ah oh, non, merde. Merde. Comment dire Je suis vraiment désolé. Il accepte quand même sa mort. Oui. Il n'essaie pas de s'échapper. Il dit juste, dites au chef, à Félix, que je suis vraiment désolé. Tom Cruise, il lui donne une dernière chance de s'échapper, mais il le bute. Poum, poum, poum. Avec un silencieux. Et il le pose sur la table, sur la table. Gentiment. Et Jamie Foxx, là, il... C'est encore trop, là. Il est au bout de... Là, on a cinq cadavres, c'est déjà trop. Fanning, donc les détectives Fanning, entre-temps, il explique que Ramon, le premier homme mort était un... je crois qu'il était sous couverture, c'est pas très clair. En tout cas, c'était un indique. C'était un indique qui travaillait depuis 4 mois et enfin, il pouvait avoir des informations sur ces fameux Félix, je l'ai écrit quelque part, Torena... Ah, je ne trouve pas. Ah, Félix Reyes Torena, qui est un grand chef de la drogue. Le cartel mexicain. Voilà, je crois. C'est un homme espagnol avec Culia. Mais je crois qu'ils le disent à un moment que c'était un cartel mexicain. Mais... Bon. Donc qu'ils essaient drogue, de faire tomber depuis longtemps et que Ramon était juste un petit chef et pour arriver au grand chef. Et donc qu'il soit disparu, c'est un peu louche. Donc les mecs Jazzy, il est tué. Et les boss rappellent dans les taxis, donc ils repartent pour aller buter les quatrièmes. Mmh. Et les chefs du taxi rappellent Max en disant « Ta mère, elle m'assèle, tu devais y aller ce soir la voir, mais pourquoi tu peux y aller ? Elle est à l'hôpital et tout, pourquoi t'es pas allé ?» Et Max dit bah, « Je peux pas, dis-lui que je peux pas. » Et Vincent dit « Non, non, il faut y aller, il faut surtout pas qu'on soit suspect. » Pas que ce soit louche, ouais. Ouais. Donc il faut qu'on y aille. On va à l'hôpital voir ta mère. On va voir maman. Allez, allez petit détour à l'hôpital. Ils vont à l'hôpital. Tom Cruise fait acheter et achète des fleurs et des trucs pour la mère. Ils rencontrent la mère, ils sont à l'hôpital. Et dans l'ascenseur pour monter à l'hôpital, ils croisent Mark Ruffalo, donc le détective, qui lui va aux obitoires. Il va à la morgue. À la morgue, voilà, pas obitoire. Aux obitoires, si je préfère. À la morgue, pour chercher les cadavres de Ramon. Oui. Donc, il voit les cadavres et en fait, il reconnaît un des morts qui sont arrivés dans la soirée, qui est le deuxième mec qui est Tom Cruise a tué, qui est aussi impliqué avec Félix Torrena. C'est ça. Je ne sais plus dans quel... Mais en tout cas, il était un ancien témoin qui veut... Sur une affaire où ils étaient... Enfin, il y avait un lien tous les deux sur une autre affaire. Fixe. Et il se rend compte aussi que... Oui, et le chef de la morgue, l'infirmier, il dit « Ah, c'est bizarre parce qu'il y a trois hommes qui sont arrivés ce soir avec les mêmes... Les mêmes marques de balles. Des balles. Ils ont été tués tous, par la même personne. » Il regarde et là, détective Fanning, il commence à suspecter quelque chose. Tom Cruise et Jamie Foxx, ils sont chez mère. Chez Maman du Rocher. Qui est très rigolote, d'ailleurs. Oui. Et Jamie Foxx, pendant que Tom Cruise parle avec la mère et est distrait, il récupère sa valise, il se barre et commence à courir avec la valise de Tom Cruise où il y a tous les gens qui doivent tuer, toutes les informations. Du coup, Tom Cruise course poursuite. Tom Cruise essaie de l'arrêter, ils sont au-dessus d'un pont et plam, Jamie Foxx... jette la mallette et perd les infos. Aïe, aïe, aïe. Ça va nous retarder, ça. On va vous foutre dedans. Là, c'est chaud. Parce qu'il faut récupérer les informations. Mais comment on récupère les informations ? Il faut aller chez Félix. Le fameux Félix. Il dit à Jamie Foxx, tu vas dire que tu es Vincent. Tu vas voir Félix. Et tu vas voir si tu arrives à récupérer les infos parce que là, tu me fous dans la merde. Et moi, je ne veux pas qu'il voit mon visage. Ça. Moi, je ne vois jamais les clients. Donc, Max va voir Félix. Dans un club. Il flippe. Il dit « Je suis Vincent. » Et là, il va dans les clubs et il se retrouve face à Félix. Entre-temps, les détectives Manning, qui a compris les liens avec Félix Torrena, va au même club, bizarrement. Pour surveiller. Parce qu'il y a l'FBI qui surveille Félix. Donc, il va leur demander, est-ce que vous avez vu quelque chose de louche ? Est-ce que vous avez vu un taxi arriver ici ce soir ? Elle dit, ben oui. Regarde, il y a un taxi. Il y a un taxi là. Ah, il y a un taxi. Avec le pare-brise défoncé, c'est marrant ça. C'est un petit entre-temps, Max, il parle avec Félix. Au début, il essaye de dire, je suis Vincent, donnez-moi les trucs. Et après, il se prend au jeu. Oui. Et il est vraiment convaincant en disant, je bute ces mecs. Félix, d'ailleurs, qui est joué par Javier Bardem. Javier Bardem, qu'il est beau. Bref. Et donc, Max, il arrive à récupérer la mallette avec les infos parce que... Ah, c'est une clé USB, je crois. Très exact. Oui. Bon, on s'en fout. Oui, bon, il arrive à récupérer les infos. Si, c'est vrai, son clé. Et Félix, il est très épaté par cet homme qui croit être... On a bien fait de l'embaucher parce qu'il a l'air fort. Il est fort. Il s'en va. L'FBI décide de suivre Max parce qu'il le voit dans la caméra qui dit « Je suis Vincent ». Oui. Ah oui, Vincent. Ils essaient de bidouiller le son pour comprendre. Pour comprendre. Donc ils disent « Ah, il faut le suivre, c'est lui le tueur, tu vois ». Et les détectives Mannings aussi, ils décident de suivre, même si son chef, il dit « Bon, maintenant, c'est l'FBI qui s'en occupe, toi, t'es les chefs ». Lui, il a l'impression de voir qu'il y a quelqu'un d'autre dans le taxi aussi. Ouais. Sur les caméras de surveillance, il se dit « Tiens, il y a peut-être... » Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, ouais. Donc, il veut y voir plus clair, parce que l'FBI croit que c'est Max, la personne arrêtée, et les détectives, il a un doute. Pas sûr. Ouais. Donc, il faut aller tuer la quatrième personne. Oui, bah oui, parce qu'on a pris du retard un peu. Dans un club qu'il est, passe la soirée dans un club, genre discothèque, tout pourri. Donc, il rentre. Vincent, Max, il rentre aussi. Les Coréens, ils voient, ils commencent à tirer. L'FBI arrive, débarque, il essaie de buter Max, d'arrêter Max. Ah oui, là, c'est le gros bordel. Et là, il dit, non, c'est pas moi, moi, je suis Max, je suis pas Vincent, c'est pas moi, c'est l'autre. Vincent, entre temps, bam, bam, bam, bam, il tire, il tue la quatrième personne. Et la quatrième victime. Le détective Manning arrive, récupère Max et lui dit « Je sais que tu es pas les méchants. Viens avec moi, je te protège. » Et ils essaient de s'échapper du club où il y a tout le monde qui est paniqué. Ah, la foule a un délire. Et il dit « Bon, là, tu es sauvé, t'inquiète, c'est bon. » On sort, Max sort du club, toute la foule derrière. Les détectives Fanning un peu derrière, ils sortent et « Pam, pam, pam !» Tom Cruise tue Mark Ruffalo. Détective mort. Et il dit, Max, allez, on y va. Taxi, on est reparti. Il y a la dernière victime. Dernière victime. Donc là, Max, il comprend qu'il ne va pas survivre à la soirée s'il ne fait pas quelque chose. Quoi. Parce que là, Vincent, il ne le lâche pas. Il est la dernière victime. Là, il faut qu'il se casse. Et oui, il a plus beaucoup qu'il soit temps. Libéré. Et la police, il vient de tuer les policiers, les seuls qui le croient. Donc, il décide de faire un gros accident de voiture et pan, il fait des tonneaux et tout. Tonneaux, voilà, c'est ça, les taxis qui se retournent. Vincent, il arrive à sortir du taxi et il court. Tu es la cinquième victime. Ah, c'est Tom Cruise qui court. La course. Et Max, il est là, enfin libéré. La police arrive et lui dit, si vous pouvez amener moi en prison, je dois parler à la police, c'est très bien. Mais il voit. Les policiers voient dans le coffre. Qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre? Ah ouais. Ah oui, oui, parce qu'il y avait les cadavres. Donc il arrête. Et mais Max se rend compte. Max voit dans les taxis la tête de la prochaine victime. Et c'est qui? Annie. C'est Jada Pinkett Smith qui l'avait. C'est la femme du début. Quelle est l'assistante procureur ou procureur. Et là, il dit non, en fait, je dois y aller. Du coup, il s'échappe de la police. Et commence à courir, il a les numéros. Alors, comment il a gardé cette putain de carte jusqu'à intact, là? Intact, jusqu'à là, c'est balèze. C'est balèze. Et il court pour aller prévenir Annie que quelqu'un veut la tuer, que Vincent veut la tuer. Il pique un téléphone portable sur la route. Oui, je me rappelle. Il pique un téléphone portable, mais il capte pas. Du coup, il monte en haut d'un parking pour pouvoir capter, pour pouvoir appeler. Pour pouvoir appeler. Pour lui dire, attention, il y a un tueur à tes trousses. Quoi. Et il la voit dans son bureau. Donc elle répond et lui dit « Attention, il y a un homme qui est envoyé pour te tuer. » Elle dit « Mais qu'est-ce que tu racontes et tout ?»« Si, je le vois, il n'est pas là où tu es. » Parce qu'il voit du coup toutes les fenêtres. Il est trois étages plus bas. Et du coup, tu restes là, appelle les secours, c'est très bien. Vincent, entre-temps, il est dans les bâtiments, il ne la trouve pas dans son bureau parce qu'elle est à trois étages plus haut. Mais il voit l'appel, les signaux d'appel. Sur le téléphone, avec tous les boutons de couleur, il voit où c'est. Il voit donc le numéro. Donc, il décide, il comprend qu'elle est là-bas. Pas con, et il commence à monter. Max, il dit, appelle les secours. Et les portables, ils meurent, il n'y avait plus de batterie. Oui. Donc, elle essaie d'appeler les secours. Mais Vincent, il coupe les joues, donc blackout. Alors, il coupe, il fout un coup de hache hein, quand même. Hein. C'est pas... Oui. Oui. Un petit ciseau ou un petit interrupteur. Il défonce. Oui, il défonce les systèmes. Donc, plus de téléphone, plus de lumière, plus rien. Mais encore des ascenseurs. C'est bizarre. Bon. C'est trop bizarre, non. Merci Hollywood. Bon. Max décide d'intervenir. Il court. Il rentre dans les bâtiments. Il voit le policier de l'entrée qui a été buté par Vincent. Il récupère son pistolet. Il monte ascenseur. Ting, ti, ti, ti, ti, ti. 25 étages, bim, ouvre, Jada, Annie, elle est cachée dans là où elle était, Tom Cruise arrive et bam, Max arrive et dit « Ah, salut Max !» Boum, boum. Et Max, il tire et il touche Tom Cruise. Est-ce que ça suffit? Je ne sais pas. Oh, je ne crois pas. Il prend Annie, il prend l'ascenseur, ting, tidi, tidi. Donc, il a le temps de lui expliquer que c'est lié à Félix et probablement, donc, on comprend que c'est par rapport au gros procès avec tous procès les témoins. En fait, tous les gens qui meurent, qui sont morts, c'était des gens qui allaient témoigner au procès. Voilà. Et il reprend l'ascenseur, il descend, il décide de s'échapper par les métros. Oui. Donc il prend le métro, Vincent il est rejoint, il a un peu de sang, il rentre dans le métro aussi, et donc eux ils se cachent. Ils essaient de descendre à la prochaine arrêt, mais ils peuvent pas parce que Vincent il... Oui, en fait Vincent il remonte wagon par wagon, ouais. Et quand il y a un arrêt, il sort et il regarde pour voir s'il descend, il les bute quoi. Donc il se retrouve un peu face à face. Ouais. Vincent il dit ça c'est mon job. Tu n'auras pas de chance. Max ferme les yeux. Po. Ils sont chacun dans un wagon avec les portes entre les deux wagons. Et ils se tirent dessus. Ils se tirent dessus. Et, miraculeusement, Max réussit à tuer les tueurs à gages du siècle. Alors, il y a une explication. Ok, attends. Il le pose, il le prend, il le pose dans le métro et est mort. Et il descend avec Jada Pinkett Smith. Oui. Annie, il lui donne sa veste et il s'échappe dans Los Angeles. Tan, tan, tan. Fin du film. Je me suis un peu embrouillée, mais voilà, en gros, c'est ça. Et donc, j'explique maintenant, même si on y reviendra après, l'explication de pourquoi il n'arrive pas à le tuer, et ben vous l'aurez après l'extrait, en fait. Parce que très bien. On va faire ça comme ça. Ah, bien. Fait un petit teaser. Alors, attention, donc on était là, on se fait l'extrait. Là, l'extrait, c'est dans la boîte de nuit où il doit tuer la quatrième victime. Victime numéro 4, victime le Coréen. 4. Il y a déjà eu quelques coups de pistolet et tout le monde panique. Oui, parce que le FBI, ils ont tiré en premier, c'est parti en cacahuète. Et là, Tom Cruise... Il y a quatre hommes sur Tom Cruise. Les détectives qui récupèrent Max. Panique qui récupère Max, tout à fait. Ouais. Il dit, c'est bon, je te crois, c'était la police. Sors. Tom Cruise, il est aux prises avec deux gardes du corps. Et les chefs qui doivent être tués. Il envoie deux autres gars. Et là, hop, petit couteau dans la cuisse. Ah. Couteau dans la cuisse. Paf, carotide. Ah ouais, c'est trop beau ça. Bim. Dans le dos. Et il tombe à la renverse avec un mec dessus. Il se fait canarder, roulade. Il récupère le flingue et hop. T'es trop allongé, il tire entre les deux jambes. Bim, bam, boum, bam, bim, tué. Deuxième mec au sol. Troisième. Lui, ça va pas durer, à mon avis. Hop, le quatrième. Il faut dire que le chef, il est pas très malin. Il a pas bougé de son canapé. Et là, le chef, depuis, un, deux tirs dans le plexus. Fanning qui sort avec Max. Et Vincent, le dernier tir, en plein milieu du front. La le boulot signature. Est fait. Il se casse. Et on part discretos, tranquillos, qu'on ne va pas se mettre la misère. Non. Avec la foule. Et enfin, le détective Manning, il dit « Ah, vous êtes sauve à Max. » Qui dit « Ah, merci, oui, merci, c'est bon, tout va bien. » Tranquille. S'échapper. Ah, ça va. On sort dans la rue. Détective Max qui attend le détective qui arrive. Paf, bam, un, deux. Ah non. Et trois. Et Vincent qui dit à Max, allez, c'est parti. Allô ? Pas que ça va foutre. Allons-y. Allez. Et détective Manning mort. Détective, il est mort. Pauvre Mark Ruffalo. Bah oui. Il est tout cassé. Et oui, drive. C'est trop horrible. Alors, pourquoi il a tué ? Du coup, alors, la théorie qui voudrait que, en fait, comme dans le métro, il y a les portes et il y a le montant du milieu... Des portes qui est renforcée du coup. Et comme Vincent est un professionnel, systématiquement, quand il veut tuer quelqu'un, il fait toujours trois coups. Deux coups au plexus, un coup à la tête. Et que là, c'est pile l'endroit où il y a ça. C'est foireux, on est d'accord. Ouais. Mais c'est la théorie qui pourrait faire qu'on explique la chose. Pourquoi pas. Voilà. Donc, mais ça ne nous dit pas ce que tu as pensé de ce film. C'est un film qui passe... Ah, il passe celui-là. Ça passe bien. Ça, il passe. J'aime bien Tom Cruise dans ses rôles du méchant, même s'il a les cheveux blancs. J'ai quelques réserves. C'est un peu c'est pas mal un peu fait. Too much. C'est un peu too much. Mais j'aime bien le comment il domine Jamie Foxx et leur relation. J'aime bien. Ouais. Après, les chauffeurs, genre qui se fait pas buter et qui arrive enfin à sauver la nana, qui devient les putains de tireurs de pistolets, que la police et l'FBI, ils arrivent pas. Ça me saoule. Ouais. J'aime pas du tout. Ah, t'aimes pas du tout. J'aime pas ce côté. Après, j'aime bien cette idée du collatéral, justement, oui. de la personne qui agit pas. Oui. Et pourquoi tu agis, c'est seulement quand tu te rends compte que tu connais la personne. Tu vois, de la proximité. Ouais, ça, j'aime bien. Mais bon, Voilà, ça, ça m'a trop saoulé. Et toi? Ben moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que j'aime bien ce film. Mais la fin, en fait, vraiment, c'est la fin qui fait très too much. Ouais. Alors que c'est vrai que sinon, tout le reste, tout le principe, le concept hein, du le tueur à gages qui a son truc à faire, qui est hyper carré, qui tombe sur un taxi, le chauffeur de taxi, oui. Pareil, c'est un mec hyper carré. Il lui dit, bon, bah voilà, en gros, on va passer la soirée ensemble. Et bon, bah, c'est hyper rigolo, quoi, cette espèce de duo improbable. Mais la fin, effectivement, ça fait très précipité. C'est là que toutes les incohérences arrivent, quoi. Ouais. Ça fait gros, quoi. Même si je trouve qu'il y a pas mal, enfin il y a une poésie dans cette fin où il va le tuer dans le métro, et il va le laisser abandonner comme l'histoire qu'il racontait au début. Il y a un truc que c'est joli quoi, mais bon, c'est vrai que la fin c'est pas le plus intéressant dans le film. Mais non, mais même là il devait les buter. Là il aurait dû le buter. Que Vincent aurait dû buter Max. Max, ben bien sûr avant le dernier, il aurait pu conduire, tu vois Vincent. Eh mais non, a priori c'est pas sa manière de faire quoi. Ouais, bof. Mais bon. J'ai un peu de... Mais après, moi, j'aime... Enfin, après, je trouve que le film, en tant que film, je trouve très beau. Oui, oui. Après, c'est Michael Mann qui avait depuis toujours envie de se faire un kiff de filmer Los Angeles. Ah ouais. Mais ça se voit qu'il kiffe un peu la ville. Ouais, et puis s'éclate, quoi. Ouais. Et c'était le scénariste. J'ai perdu le nom du scénariste, mais je le retrouverai un jour et je le dirai. C'est Stuart Beatty qui avait eu l'idée, en fait, du scénario. En rentrant de l'aéroport, en prenant un taxi, il s'est dit tiens, mais ce serait hyper rigolo en fait, une histoire où le chauffeur de taxi il emmène un tueur à gages à faire sa tournée quoi. Ouais. Et du coup, quand il l'a proposé, et ça a vachement marché pour Michael Mann quoi, beaucoup eu envie. Même si le scénario a tourné dans plein de mains différentes. Hein. C'est arrivé très tard avec Michael Mann et les personnages, c'est pareil, les acteurs, ça a été trouvé tard. Bah, je trouve que les acteurs, ils sont tous trop bien. Ouais. Ouais, bah, c'est Jamie Foxx, c'est quand Jamie Foxx, c'est le film qui le révèle. Hein. Ouais, c'est quand même là, il déchire tout, quoi. Ouais. Mais ouais. Bon. Non, tu peux. Je sais pas. Le traitement vidéo, tu vois, Michael Mann qui utilise les premières caméras numériques vidéo et qui joue avec le grain vidéo, vraiment, quoi. Ah oui, non, mais pas par rapport à... Non, mais si, c'est clair, c'est trop intéressant, mais plus au niveau de la technique que de l'histoire, vraiment... Oui, c'est le film... Le mec serveur... Non, c'est clairement, c'est un film qui est intéressant pour sa réalisation et la forme du truc. Le fond, effectivement, c'est pas le plus intéressant, quoi. Ouais. Mais, moi, je trouve que c'est intéressant pour ça. Et c'est ce que tu disais, ça reste un bon film du dimanche tranquillou, il se regarde très très bien. Ouais. Mais sa réalisation est assez sympa. Et après, c'est Michael Mann, il s'est fait les fusillades, tout ça, il s'est filmé. Oui, ça c'est cool. Qu'il a déjà fait ça avant et que ça a plutôt marché. Donc, on va pas non plus. Et même, après, les discussions. Moi, je trouve que les dialogues, par contre, ils sont trop intéressants. Tu vois vraiment la différence. Ils ont presque les mêmes dialogues. Annie et Max, et Vincent et Max, mais tu sens la bascule, tu sens la tension directe, alors qu'ils disent à peu près les mêmes choses, tu vois. Mais alors, ça, c'est cool. Apparemment, sur la production, Michael Mann, quand il a eu le truc, quand il a su ce qu'il allait faire, il a écrit l'historique des personnages, en fait. Ah, et quand ils sont arrivés sur le plateau, enfin, quand ils ont su il a donné à Jamie Foxx, à Tom Cruise, à tous les personnages, il leur a dit, tiens, ça, c'est ton personnage, t'as toute l'histoire de ton personnage. Trop bien. Pour rentrer directement dans le truc et arriver, savoir où tu vas, quoi. Ouais. Et il y a plein d'histoires comme ça autour de la production de Jamie Foxx qui a lui-même fait, qui s'est entraîné vachement à conduire. Ah ouais. Pour pouvoir, le plus possible, tourner toutes les scènes de voiture. Ah, trop bien. Il y a aussi Tom Cruise. Il s'est entraîné sur plein de trucs. On y reviendra plus tard. Mais Michael Mann, il s'est vraiment éclaté sur ce film-là, quoi. Trop cool. Ok. Oui, ça les vend un peu mieux de dire ça. Ouais. Et après, c'est leur relation aussi, c'est assez ambigu parce que tu vois que Vincent, tout le long de ses meurtres. En fait, il enseigne un peu la vie. T'as l'impression qu'il y a cette espèce des trucs que les films veulent passer, des comment Vincent apprend quand même quelque chose à Jamie Foxx, genre par rapport à sa mère, par rapport au fait d'envoyer chez son boss, par rapport au fait d'appeler la meuf qu'il aime bien. Et c'est que des trucs comme ça, en fait, c'est un apprentissage jusqu'à ce que Jamie Foxx n'accepte plus ses maîtres, entre guillemets, tu vois. Oui, mais il n'accepte pas, mais en même temps, il se sert de cette libération-là pour pouvoir s'en débarrasser. Ouais. Quoi. Il tue le père. Il tue le père. Finalement. Oui, voilà. Sachant qu'il y a une scène où, à un moment où Vincent parle de son père. Et en gros, il décrit le père de Tom Cruise, quoi. Un père alcoolique qui battait ses enfants, tu vois. Oui. C'est assez troublant. Troublant, ouais. Troublant. On s'oscarise ? Oui. N'importe quoi. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. Et oui, les Oscars. Et oui. Alors les Oscars pour ce film, est-ce qu'il y a eu des Oscars pour le film ? Je te dis qu'il n'y en a pas eu pour le film. Il y a eu des nominations. Il y a eu deux nominations. De quoi ? Réalisation ? Non. Montage. Le montage, tout à fait. Waouh. Et Jamie Foxx qui était nommé comme meilleur second rôle. Je comprends. Ouais, ça marche bien. Mais par contre, il y a des gens dans ce film qui ont eu des Oscars. Jamie Foxx. Jamie Foxx, il a eu l'année d'après, ou il y a deux ans après pour... Deux, non ? Non, moi j'en ai qu'un. Pour Ray. Il n'avait pas eu pour Django ? Je crois qu'il n'y a eu qu'une nomination. Non. Mais en tout cas, pour Ray, il a eu ça. Et pour Ali ? Non. Je crois pas. Ah, peut-être en second rôle ? Je sais pas. Possible. Bref. Qui d'autre ? Michael Mann. Michael Mann n'en a jamais eu d'Oscar. Ah ouais. Et non. Je vois pas trop qui d'autre. Javier Bardem. Ah bah voilà, Javier Bardem, bien sûr. Qui a eu un Oscar pour No Country for Old Men. Oui. Qui pourrait être une recommandation parce que c'est un film de méchant celui-là quand même. Ouais, carrément. Qu'est-ce qu'il est fort ce film. Et après, le directeur photo Diane Beebe. Ah ouais. Qui avait eu un Oscar pour Mémoire d'une Geisha. Ah. Mémoire d'une geisha, ça revient. Ça revient. Hein. Et les personnes à la production design, donc plutôt moins la direction artistique, donc c'était David Vasco et Sandy Reynolds, qui étaient aussi responsables de la direction artistique de La La Land, qui ont eu un Oscar. Ah, oh non. Écoute, c'est les Oscars, c'est pas moi. Oui. Et Tom Cruise n'a pas eu d'Oscar pour ce film. Non. Trop dommage. Mais Tom Cruise, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Ah. Qu'est-ce qu'on a passé ? Moi, je sais qu'à l'époque, c'était tout le monde disait « Ah, mais ça, c'est le film pour Tom Cruise où enfin, il va jouer un méchant, il va être trop fort, etc. » Il est assez fort. Ouais, je trouve c'est cool. Il fait un méchant. Mais c'est un méchant un peu froid. Mm. Et du coup, je trouve c'est cool. Tu vois, c'est pas les méchants qui crient. C'est plutôt les méchants rationnels, rassurants même. C'est un tueur à gages, voilà. Très professionnel. Et en même temps, il a ces petits moments de quand il est en problème, quand il a des problèmes, tu sens qu'il le joue, il va le jouer physiquement, mais il va jamais s'énerver, c'est comme tu dis. Hein. Il va juste trébucher, comme quand il tombe sur la chaise ou des trucs comme ça. C'est cool. Scène qu'ils ont gardée, hein, qui est vraiment arrivée. Il s'est vraiment vautré sur une chaise, mais ils l'ont gardé. Michael Mann, il s'est dit, mais ça marche bien pour le personnage à ce moment-là, parce qu'effectivement, c'est déséquilibre, il se montre de cette manière-là. Quoi. Ouais, complètement. Donc j'aime bien, et j'aime bien notamment dans les dialogues et même dans les switches, même tous les dialogues avec les jazzman, comment il fait bien les switches, tu vois, à un moment, poum, maintenant il veut le tuer. Je sais pas, ce truc-là, il est assez fin et cool. Et alors, grosse préparation. Hein. Ah ouais ? Mais c'est préparé à quoi ? Alors, parce que je disais, tu vois, Jamie Foxx s'est entraîné pour la conduite, etc. Bah, Tom Cruise, il s'est entraîné à être discret dans une grande mégalopole. Ah. Pour ça, il a passé deux semaines à faire des livraisons dans Los Angeles comme un livreur FedEx pour essayer de passer inaperçu. Waouh. C'est rigolo. c'est une anecdote rigolote. Ça serait génial d'avoir les livreurs Tom Cruise. Et il s'est vachement entraîné au combat rapproché, au tir et au combat rapproché, à tel point, figure-toi, que c'est pris en exemple par des formateurs en combat rapproché. Ah bon ? Eh oui, j'ai vu ça, je me suis dit, tiens. Délire. Apparemment, ouais, en fait, la manière dont il a appris et dont il le retranscrit dans le film, c'est hyper fidèle des vraies bonnes méthodes de combat rapproché qu'on va apprendre dans la police ou les trucs comme ça, quoi. Génial. C'est complètement fou. Et ils prennent les extraits de l'entraînement de Tom Cruise, etc., en disant, regarde, ce mec, il a compris comment faire. Non, mais c'est en fait, il apprend très vite. Il a une capacité pour apprendre. Il est trop passionné, il fait rien, il prend drogue. Oui, non, c'est pas ça. D'alcool, et puis il fait pas les choses à moitié, quoi, clairement. Non. Mais c'est assez fou, quoi. Il y a deux semaines, il a appris l'art du sabre et tout le monde a dit ouais, très très bien. Et là, rebelote. Non, c'est complètement fou. Trop bien. Bah, bravo alors, Tom. Tu parlais de la relation entre Tom Cruise et Jamie Foxx. Et apparemment, très très assez systématiquement, quand il tournait, Tom Cruise essayait tout le temps de se mettre derrière lui sur la banquette pour que Jamie Foxx le voit jamais, pour maintenir cette espèce de tension, que Jamie Foxx soit toujours en espèce de truc permanent, de jamais le voir, de jamais savoir ce qu'il va dire, etc. Et que Tom Cruise continue à faire son truc de manipulateur. Ouais. C'est rigolo, quoi. Des petites astuces comme ça. Petites astuces de cinéaste. Pour maintenir, oui, merci, des tips. Des petits tips de Michael Mann, c'est cadeau. Non, mais c'est vrai que... Ouais, ils arrivent à garder très bien cette relation-là qui est un peu louche, mais ça va jamais d'un côté ni de l'autre. C'est cool. Et apparemment, c'était un gros, gros tournage de professionnels parce que Michael Mann et Tom Cruise se sont super bien entendus parce qu'ils sont tous les deux hyper carrés, hyper pro. Ah, Jamie Foxx aussi. Enfin, apparemment, ils ont tous adoré parce que c'est tous des mecs rigoureux. Des carrés. Et leurs personnages aussi, c'est des mecs hyper rigoureux. Du coup, tu vois tout ce truc hyper maîtrisé. Ah, c'est très drôle. Bien. C'est marrant quand même. Trop bien. Le truc, les mecs, ils s'admirent parce qu'ils sont carrés et rigoureux, quoi. Ouais. C'est marrant. Pas mal. Ah, non, je crois que j'avais perdu mon. Ouais, c'était le. C'est marrant. Je crois qu'on l'a perdu. C'est marrant. Ah. Voilà, c'est... voilà, trop drôle. J'avais une autre. Je sais plus, j'avais d'autres. Et d'ailleurs, je l'ai pas trop dit, mais en fait, avant que Jamie Foxx fait l'accident avec Tom Cruise pour le tuer, il voit un coyote. Oui. Et alors, c'est coyote. Ça... Le coyote, a priori, c'est symbole de mauvais présage. Ah. Parce que c'est vrai que c'est bien mis en scène. Il y a le coyote qui traverse la rue. C'est très très et marqué. Et c'est les déclics aussi de Jamie Foxx pour dire parce que c'est symbole de mort, c'est très mauvais présage. Ah voilà, c'est ça. Ok. Et ouais, après, il y a aussi, ça peut être rappelé parce qu'il y a les cheveux grisonnants de Tom Cruise. Mm-hmm. C'est un peu ça, c'est un peu le loup solitaire, hein, si on fait une analogie un peu très rapide. Quoi. Ah ouais, j'avais pas. Ah. Ouais, parce qu'il faut quand même donc réexpliquer hein, qu'il est complètement grimé, tous ses cheveux et sa barbe sont teints en gris pour faire lui donner vraiment une autre allure. Ouais. Ce qui est intéressant, après, ça a mal vieilli ce truc-là, c'est un peu bizarre, mais je sais qu'à l'époque, tout le monde disait ah, c'est complètement fou, il a les cheveux blancs et tout. Bah oui, c'est vrai que c'est un peu. C'est la signature du film. Ouais. Et le costume, c'est un hommage au costume de Georges Caplan dans La mort aux trousses. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Ah, voilà. Michael Mann est un peu cinéphile aussi, non? J'ai l'impression que ces gens sont tous un peu cinéphiles. Ouais. Et alors, j'ai vu aussi qu'il y a eu un remake qui s'appelle One Night in Bangkok. Ah ben. Ouais. Ah, ça me donne envie de le voir. C'est sorti en 2020. Et il y a eu aussi une version Bollywood de ce film. Oh, ça donne très envie de la voir. Ouais, c'est pas... Après, le scénario est facile, du coup, tu peux t'amuser, quoi. Mais c'est bah très oui, bon, mais quoi. Grave, c'est trop génial. Ouais. Mmh. Donc voilà. Donc on a ce Tom Cruise, du coup, on va se le noter. Oui. On le note pas. Et les sous-sous, on ne fait pas d'abord ? J'ai pas fait les sous-sous. Eh non. Eh non, j'ai fait les Oscars, mais j'ai pas fait les sous-sous. Je t'ai pas dit. Alors, tu l'as pas vu en Italie, donc peut-être c'est pas ouf. Non, mais il est sorti quand même. C'est juste que moi, j'allais voir des blockbusters, tu vois. Ah oui, ça c'est trop. C'est trop indé, ça. C'était un peu indie. Oui, bon. Alors, déjà, le film, il n'a coûté que 65 millions de dollars. C'est pas beaucoup. C'est quand même. Bah, c'est beaucoup, mais quand même deux fois moins que le Dernier Samouraï. Mais ça a rapporté. Beaucoup ? Ah bah, pas mal, oui. Combien ? Ah ouais. 300. Un peu moins. 220. Ouais, c'est beaucoup quand même. 221 millions. Ouais. Donc on met 1 dollar dans la production, on en récupère 3,4. Comme la dernière fois à peu près. On récupère même un peu plus que. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal. Grosse réussite. Ah, belle réussite, tout à fait. Bravo. Et qui, du coup, a vendu des tonnes de DVD, puisque j'en ai acheté. Et tu as contribué à cette réussite. J'ai contribué à cette victoire. Tout à fait. De rien, Tom. Allez, c'est cadeau, bah, c'est pour toi. On va noter. Coup, on le note, c'est ça. C'était cool encore, là, sur cet épisode. Allez, c'est parti, on note. C'est l'heure du coup. Donc, le cruisomètre, cette note de 0 à 100 exprimée en pourcentage, où après le visionnage du film, nous donnons une note pour récompenser le travail de Tom Cruise et la postérité du film et de sa prestation, par exemple. Mm-hmm. Très bien. Est-ce que tu as une idée de ce que tu as donné? Là. Bah, j'ai envie de donner beaucoup. Ah oui! Parce que je trouve que c'est un méchant. Oui. Et ça, c'est un gros, gros point. Ouais. C'est le deuxième, troisième qu'on voit. Troisième. C'est pas énorme. On a fait 25 épisodes, trois méchants, quoi. Et il en fera pas beaucoup plus. Et voilà. Donc, ça, c'est une très bonne chose pour sa carrière. Parce qu'il montre qu'il peut faire aussi les méchants. Comme ça, il peut être un héros plus solide. Oui. Donc, c'est je pense que c'est ça, c'est très, très, très haute note. Okay. Après, malheureusement, cette histoire, moi, ça me... C'est peut-être pas suffisamment culte pour aller plus loin. Après, ça reste quand même un film, très rapidement, quand tu parles de Tom Cruise, souvent, les gens, s'ils veulent sortir un exemple positif un peu lointain, ils vont dire « Ah oui, mais il y a Collateral, c'était un bon tout film, et il y avait un personnage différent. » Donc ça, ça joue quand même sur sa carrière et sa renommée, sa réputation. Tout à fait. Donc, au moins, j'hésite entre 60 et 70. Je suis là-dedans. Voilà, je flotte. Dans ce zoo-là. Tu fais quoi, toi? Attends, je ne sais plus. Il faut que je regarde ce que j'ai noté. Je flotte comme un poisson. Flotte. Petite info. Ah. Je crois que j'ai oublié de le dire il y a deux semaines. Dans le dernier Samouraï, il y a 558 morts. Waouh. Ce qui est beaucoup. Et bien, dans ce film-là, Tom Cruise, il ne tue que 16 personnes. Ah. C'est pas énorme, franchement. Bon, franchement. Il n'y en avait que 5 officiellement. Oui, non, mais c'est qu'il y en a beaucoup trop. Oui, mais bon. Voilà. Ouais, il y a eu plein d'imprévus. C'était une soirée très compliquée. Et je trouve que ça reste 16, ça reste un chiffre contenu. Oui, tout à fait. Par rapport à la population de Los Angeles. Je ne suis pas trop choqué par les pratiques de ce personnage. Mais du coup, moi, je m'étais dit, cruisomètre, t'as dit entre 60 et 70 Ouais, j'avais noté 65. Bah, très bien. Pareil. Ah ouais? Ouais. Ouais, ça me paraît pas mal. Parce que ça me paraît pas mal. Un peu, c'est pile la moitié entre 60 et 70. Ouais. Eh ben, donc, c'est rare qu'on fasse exactement. Et puis, le coût du film, c'était 65 millions. Oh, what? Alors là, c'est un épisode. Ça pourrait être l'épisode 65, finalement. Trop bien. Ouais, il se passe quelque chose, là. Trop bien. C'est très, très, très surprenant, ça. Oui, c'est vrai, c'est étonnant. Peut-être qu'on a été influencé par les millions. Bon, bref. Peut-être. Rotten Tomato. Alors. Rotten Tomato, ils ont bien aimé, d'après toi, ou pas? Si. Oui. Ça a cartonné, Rotten Tomatoes. Ouais, 86%. Ouais, c'est sûr. Mais c'est ça, les critiques, hein, globalement, ils disent que c'est un film très maîtrisé, très intéressant, très bien. Le petit bémol sur la fin, effectivement, qui est très accéléré et puis très artificiel, on va dire. Ouais, vite. Et Allociné, pour info, 3,9 étoiles sur 5. Oh. Les Français aiment ce film. Aiment. Les trucs en indie. Mais après, c'est rigolo parce que dans les critiques d'Allociné, t'as ceux qui disent ouais, c'est génial, c'est le meilleur film, Tom Cruise, il est trop fort, vous voyez. C'est vraiment la bataille des anti-Cruise et des pro-Cruise. Ouais. T'as ceux qui disent vous voyez, il peut tout faire, il est excellent. Et d'autres qui disent ouais, mais c'est naze, le mec, il est obligé de se teindre les cheveux, donc il est tout pourri. Ouais, ouais. J'adore lire, de plus en plus, j'adore lire les commentaires sur Tom Cruise parce que t'as deux clans. Il y a vraiment ceux qui adorent Tom Cruise et qui mangeraient tout ce qu'il fait. Et ceux qui, comme qu'il arrive, ils vont le défoncer. Non, nous, on apporte de la nuance quand même. Oui, oui. On sait dire qu'il n'est pas bon quand il n'est pas bon. C'est vrai. Ça va, on est tellement équilibré. C'est très rare. Après, je ne pense pas qu'on soit le podcast le plus neutre sur Tom Cruise, mais bon. Non. Alors, on se fait la recommandation, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter sur ce film. Mais je crois je pense que ça joue un peu avec ma recommandation. Mais tu es dans le doute. Je suis pas très contente parce que c'est un film très connu, c'est pas une vraie recommandation. Ah. Mais j'aime pas. Daisy et son chauffeur. Hein? Est-ce que c'est Miss Daisy et son chauffeur? Non, je l'ai jamais vu d'ailleurs. Ah oui, parce que c'est un peu ça, hein, l'histoire. Ah oui, c'est vrai. Il me semble. C'est vrai, c'est vrai. Bon, un peu différent, à notre époque. Mais ça serait bien de voir Miss Daisy tuer des, des gens. Bref. Non, c'était... les trucs que je n'aime pas dans les films, et je pense que ça joue aussi sur mon désarroi face à ces films, c'est que c'est les personnages... que tu sens qu'ils ont toutes les qualités pour pouvoir sauver les trucs et se font buter direct. Je parle de Détective Fanning, qui est là juste pour expliquer les films, mais qui, lui, pourrait intervenir. Il pourrait sauver Max, il pourrait être la clé pour résoudre les trucs, mais il est là juste pour faire, lui, pour raconter aux spectateurs pourquoi il tue ces gens-là, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi l'FBI, il ne peut rien faire parce qu'ils sont débiles, en gros. Oui. Et du coup, il y a K-Max, tu vois. Et il existe. Et quand il a fini sa fonction, on le bute. Ah oui, et ça me saoule. Je n'aime pas ça. Ah oui? Ah, je déteste ça. Mais sinon, ça veut dire que tu ne fais pas du tout intervenir la police? Ou alors, loin mais de non, il faudrait qu'il intervienne et qu'il aide vraiment Max, tu vois. C'est encore plus happy end. Non, mais pas qu'il le sauve de toujours, mais pas qu'il se fasse buter en mode. Et après, ça ne sert plus à rien. Ah, mais après, c'est pas mal parce que ça traumatise Max une deuxième fois quand même. Ouais. Il sent qu'il est à deux doigts de s'en sortir et puis en fait, non, il se fait rattraper par Vincent. Oui, mais bon, quand même. Ah ouais. Ben, c'est pas s'il s'en sort à la fin, tu vois. Bon, après, c'est un gros truc. S'il s'en sortait pas, ou s'il s'en sortait juste avec l'accident, ok, d'accord. Mais là, il s'en sort en faisant ce que les policiers, il aurait dû faire quelque part. Oui, mais aller justement, sauver la dernière. Sinon, Max, il aurait jamais rien fait. Ouais. D'accord. Non, mais je... Et du coup, pardon, donc ta recommandation. Et du coup, ça me rappelle Shining. Ouais. Où il y a exactement le même procédé. Du mec, merde, j'avais noté son nom, mais je l'ai pas sur mon cahier ici. Il y a l'homme qui est à l'hôtel. Il y a un black qui s'appelle Mars. Ah, j'ai noté. Bon. Qui raconte à l'enfant du Shining. Oui. Tu vois, et qui lui dit, qui part de la télépathie, et cet homme-là, il a les dons, mais c'est tout petit, c'est pas très grand, et l'enfant, c'est énorme. Oui. Mais c'est quand même un adulte, face à un enfant de 8 ans, 6 ans, je sais pas combien d'années, qu'il arrive, quand il découvre que Jack Nicholson est devenu complètement fou, il l'entend, il arrive pour le sauver, et bam, c'est le premier à se faire buter par Jack Nicholson. Oui. Et t'as, mais non, mais, les Shining, putain, ça s'appelle Shining. Et puis, le mec, il a les Shining, il faut que le sauve, ce putain d'enfant. Et non, c'est l'enfant de 6 ans. Ah oui, mais t'es en train de détruire tous les films. Si tu veux que tout soit résolu dès la moitié du film par mais un personnage. Mais c'est pas résolu, c'est juste que, du coup, cet homme-là, il est là. Ouais. En fait, dramaturgiquement, je trouve que ça pue. C'est juste qu'on n'a pas su trouver les moyens pour l'expliquer mieux, oui, que de trouver créer un personnage, le personnage qui va se faire buter, qui fonctionne juste d'expliquer au personnage principal son pouvoir. Je vois ton coup de gueule. C'est un coup de gueule. En fait, c'est plus qu'une recommandation. Après, Shining, c'est Serena, très bien. Serena, on a marre des personnages fonctions. Arrêtez de les buter. Et écrivez vos histoires autrement. Qui n'ont aucun sens que l'enfant s'en sorte sans l'aide d'un adulte qui sait maîtriser ses putains de pouvoirs. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. C'est comme les policiers et les taxis, qui est un très bon conducteur des taxis, je veux pas, mais il a jamais tiré. Et les policiers se fait buter comme un con. Je sais pas. Ouais. Bof. Bof. Bof. Oui, ça rejoint. Soyez un peu créatifs plutôt que de créer des personnages pour les buter. Voilà. Pour l'histoire. Tu peux l'écrire. Juste pour raconter. C'est comme les mecs qui démarrent leur film avec une voix off ou un panneau explicatif. Voilà, ça peut être chiant. Tu peux le faire autrement. Si tu te sors un peu les doigts et tu fais autre chose, quoi. Ouais, voilà, c'est mon coup de gueule. Ça a pris un peu longtemps, mais ça m'a trop saoulé. Ah ouais, non, c'est. Donc, c'était recommandation coup de gueule parce qu'elle vous a spoilé Shining au passage. Bon, c'est tout le monde a vu Shining. Tout le monde a vu Shining, c'est vrai. Ouais, bon. Si vous l'avez pas vu, il y a plein de choses à voir qui ne sont pas du tout. Qui les concernent. Oui, de toute façon, tu peux le revoir même si tu connais la fin, Shining. Ça marche. Ah, mais complètement. C'est pas un problème. Donc, et toi, pardon. Oui, alors, j'ai une recommandation aussi. C'est un jeu vidéo qui s'appelle Road 96. Oh là là là là. C'est Route 96. Oui. Je pense, on va dire ça comme ça. C'est en fait dans un pays qui n'est pas vraiment défini, qui ressemblerait à l'Amérique, mais qui est une dictature, plutôt type dictature soviétique. Et tu incarnes un adolescent qui t'évade pour aller à la frontière. et pour t'échapper. Ooh. Parce que les adolescents ont pas de, sont recherchés et n'ont pas d'avenir, en fait. D'accord. Et du coup, pour t'échapper, tu fais du stop. Ah, trop bien. Et tu peux notamment monter dans un taxi. Et y a en fait, tu as plein de personnages que tu vas croiser sur la route en fonction de qui tu fais du stop, etc., etc. Ah, trop bien. Et c'est toutes ces rencontres-là que tu vas faire un peu au hasard qui vont raconter une histoire. Et tu fais un premier voyage avec un adolescent. Et donc, tu as une partie de l'histoire et tu le refais avec 5 ou 6 adolescents. Ok. Donc, tu refais, c'est jamais exactement la même route, mais c'est les mêmes personnages que tu crois, mais à d'autres, que tu croises à d'autres moments. Et qui racontent d'autres, et qui racontent d'autres parties d'histoire. Ah, donc, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, tu as de toutes petites scénettes un peu rigolotes, quoi. Et tout ça ensemble, ça te fait l'histoire globale. Mais du coup, toi, en tant que joueur, tu dois juste découvrir l'histoire. Tu fais du stop, tu discutes avec les gens. Des fois, tu as des mini-jeux de. Tu vas faire du flipper avec le mec. Enfin. Et c'est juste, tu te balades et tu racontes, tu discutes. Trop bien. Tu joues à la con, mais c'est plutôt rigolo. Et c'est assez intéressant, cette manière de raconter une histoire de manière fragmentaire à travers les personnages, en fait. Il n'y a pas de personnages secondaires qui se font buter. Et voilà. Non. Et non, parce que en fait, le personnage secondaire, c'est toi. Toi, tu es la caméra qui te déplace. Trop bien. Et c'est assez rigolo comment c'est foutu. Je l'ai pas fini. Road 96. Voilà. C'était recommendation. Super. Allez. La musique, très très bien la musique. Très belle musique. Ouais. J'ai alors déjà, de toute façon, un film où il y a du Calexico dedans, c'est forcément un bon film. Ah, c'est Calexico. Ouais, dans la boîte de nuit de Félix. Ah ben oui, bien sûr. Ah oui, si tu veux des Mexicains. Trop bien. Alors, oula. On se retrouve normalement dans 2 semaines. Oui. On va parler de la guerre des mondes, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Tu as un doute. Oui. Normalement, c'est la guerre des mondes. D'accord. Où nous allons retrouver un invité, oui. Si tout va bien. Et ce soir même. Et alors, ce soir, normalement, si tout va bien. Si tout va bien. Alors, le jour de la diffusion, pas le jour où on enregistre. Le jour de la diffusion, normalement, ce soir, avec Serena, on va aller voir Top Gun. Oui. On va voir Top Gun Maverick. Donc. Yes, yes, yes. On est un peu excités. Enfin, au moment où on enregistre, on n'est pas trop excités parce qu'on n'y est pas. Mais le jour où oui, vous écoutez de la sortie, ouais, on est excités parce qu'on y va, quoi. Et donc, allez-y, si vous avez entendu ça, oui, ça veut dire que ça sort là. Imaginons, vous écoutez le podcast pile au moment de la sortie, donc le mardi matin, et eh ben peut-être que vous allez à Toulouse et vous prenez des places et nous on sera là. Hein. Trop cool, s'il reste des places, évidemment. Ah ben ouais. Voilà. Bon, après, c'est peut-être pas un grand film, mais on s'en fout, on est content d'aller au cinéma voir Tom Cruise. Donc, d'ici là, vous pouvez suivre nos recommandations, voir le prochain film qui est La Guerre des Mondes. Vous pouvez aller voir Top Gun Maverick au cinéma. Oui. Vous pouvez réécouter nos anciens épisodes. Youhou. Vous pouvez aller sur Twitter ou Instagram @cruzometer, nous envoyer des messages et du love. Et de l'amour. Et de l'amour. Vous pouvez aller sur notre site internet, cruisecontrol.card.co, card avec 2 R.co. Ouais. Vous retrouvez tous les anciens épisodes. Oui. Vous pouvez mettre une bonne note à tous nos épisodes partout où c'est possible. Des étoiles, des cœurs. Vous pouvez en parler et partager à tous vos amis, à toute la famille, papy, mamie, tout ça. Vous allez sur PodCloud. Vous allez sur PodCloud, évidemment. PodCloud qui est un énorme catalogue de podcasts, mais qui est aussi notre hébergeur qui fait de la grande qualité. Oui. Donc si vous voulez faire un podcast, hébergez-le chez PodCloud. Franchement, c'est pas cher, c'est rapide et c'est bien. Et voilà. Et voilà. Et puis surtout, on vous dit à très bientôt. Et puis des bisous. Des bisous.